Vous. Oui, vous. Savez-vous que vous pouvez écouter 230 radios, 700 web radios et plus de 200 000 podcasts sur une seule application gratuite ? Avec Radio Player France sur smartphone, enceinte ou en voiture, vos radios sont toujours avec vous. Radio Player France, l'appli de toutes les radios. Bienvenue à toutes et tous dans cette nouvelle saison de Carbone 14. Les îles sont des milieux privilégiés pour les archéologues qui tentent de comprendre leur conquête par les communautés maritimes anciennes, cela afin de percevoir l'évolution de ces sociétés insulaires comme les transformations qu'elles opèrent sur le paysage. Les îles sont aussi le terrain privilégié des ethnologues. Reviennent alors en mémoire les recherches de Bronislaw Malinowski qui, voici plus d'un siècle, inventa l'anthropologie de terrain dans les îles Trobriand. Le titre de notre émission est d'ailleurs un direct emprunt à un de ses chefs-d'œuvre, les Argonautes du Pacifique occidental. Ce que nous allons aujourd'hui développer est une exceptionnelle aventure collective, une des migrations les plus extraordinaires que l'humanité n'ait jamais entreprise, la conquête du Pacifique. Aymeric Herman, bonjour. Bonjour. Chargé de recherche au CNRS, dans l'UMR Temps au sein de la MSH Monde, vous appartenez désormais à la trop petite communauté des jeunes chercheurs renouvelant le passé de territoires maritimes gigantesques, le triangle polynésien. Vous nous raconterez vos recherches, la circulation des hommes, mais aussi des biens en Polynésie, comme l'évolution de ces sociétés régies par des chefferies. Mais venons-en au fait et remontons le temps. Aymeric Herman, notre point de départ n'est pas le Pacifique, mais la mer de Chine, voici plusieurs millénaires, ce que l'on dénomme l'expansion austronésienne. Et oui, tous les Océaniens, non seulement les Polynésiens, mais l'ensemble des Océaniens, sont les descendants de navigateurs qui sont venus d'abord d'Asie du Sud-Est et ensuite des îles proches de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, il y a environ 3000 ans, à une époque où, ici, on traversait à peine la Manche et la Méditerranée. Donc c'est effectivement une entreprise collective, comme vous dites, de maritime, qui est très très impressionnante. L'origine, ce serait peut-être Taïwan, Formose ? L'origine des langues polynésiennes, elle est située par les linguistes sur le sud de l'île de Taïwan. En termes de culture matérielle, les archéologues identifient plusieurs routes migratoires. Une qu'on appelle continentale, qui commence vers Singapour, et puis l'hypothèse de out of Taiwan. Donc il y a plusieurs routes migratoires en fait en Asie du Sud-Est à l'époque néolithique. Une culture se développe donc dans ces îles, avant d'arriver bien sûr en Polynésie, ce que l'on appelle le Lapita, que l'on retrouve par exemple en Nouvelle-Calédonie ou autre. Et oui, le site éponyme de cette culture archéologique se trouve sur la grande terre de Nouvelle-Calédonie. Ça correspond à une culture matérielle qui est notamment marquée par une céramique très fine en gobe rouge, qui est décorée très finement avec le même genre d'outils qu'on utilise, que les Polynésiens ont continué d'utiliser pour le tatouage. Ce sont des peignes à tatouer qui ont permis de décorer ces céramiques qui sont très très distinctives. Ce processus est probablement très long. Pour autant, quand les premières communautés polynésiennes arrivent-elles dans les îles, ces confettis du Pacifique ? Alors, les Polynésiens, ils sont nés en plein milieu du Pacifique, dans le centre, la partie centrale du Pacifique, et ce sont les descendants de ces Lapita, tout comme les Océaniens de l'ouest du Pacifique. Alors, on travaille à essayer de dater un petit peu la naissance de la culture polynésienne, mais le berceau culturel, on sait le situer dans les archipels des Samoa, de Tonga, et dans les îles francophones de Uvea et Futuna, donc juste à l'est des îles Fidji. Et en fait, du point de vue archéologique, on a la poterie disparaît par exemple, on a de nouveaux outils en pierre. Et du point de vue culturel et linguistique, on a aussi un certain nombre d'innovations qui sont associés à la naissance de ces sociétés polynésiennes, avec des institutions sociales, politiques, religieuses, qui sont perceptibles aussi au niveau des langues et de l'histoire des langues polynésiennes. Bien sûr, le triangle polynésien, c'est absolument gigantesque comme territoire. Les Français connaissent principalement la Polynésie française, avec l'archipel de la Société, les Gambiers, les Australes, les Marquises, bien sûr. Les Marquises, c'est très important pour les archéologues. On sait à peu près à quel moment cette population polynésienne s'implante donc dans ce groupe d'archipels. Alors oui, quand on parle de Polynésie, on a cette expression de triangle polynésien parce que ça permet de vraiment situer les choses dans l'espace. Ce berceau culturel des Samoa, Tonga, etc., il se situe dans la partie un petit peu centre-ouest de ce triangle. Et les pointes du triangle, c'est au nord Hawaï, à l'est la fameuse île de Pâques qui s'appelle Rapa Nui, et au sud-ouest la Nouvelle-Zélande, Aotearoa. Le moment où les Polynésiens sortent de ce berceau culturel des Samoa Tonga, c'est à peu près un peu plus de 1000 ans après la naissance en fait de cette entité culturelle. Donc c'est ce qu'on appelle la longue pause. Il a fallu développer aussi une technologie hauturière qui n'existait probablement pas avant, des pirogues doubles qui permettent d'emporter beaucoup de monde et sur de très très longues distances, de couvrir de très longues distances. Et donc les premiers peuplements en dehors de cette région originelle, c'est à peu près il y a 1000 ans. Et ça se fait très très vite. Autour de l'an 1000 donc à peu près. Autour de l'an 1000 et ça se fait très très vite vers Hawaï et en la Nouvelle-Zélande à peu près le dernier territoire peuplé de ce triangle il y a à peu près 850 ans. Ce sont des véritables expéditions organisées, socialement j'imagine extrêmement structurées, qui ont probablement suscité aussi des expéditions préliminaires. Oui, effectivement. On ne peut que faire des hypothèses à ce niveau-là, puisqu'on a très peu d'éléments matériels pour dire des choses vraiment robustes. Mais ce qui est sûr, c'est que le Pacifique a été peuplé de manière intentionnelle. Alors bien sûr qu'il y a eu il y a sûrement eu des naufrages et les courants et les vents ont emporté accidentellement un certain nombre de pirogues, c'est certain. Et qu'on n'en retrouvera jamais, bien sûr. Et bien sûr, et on en retrouve un petit peu dans les lagons des îles, notamment les îles de la Société. On a des chargements qui restent à fouiller. C'est un petit peu l'un de mes rêves de fouiller en sous-marin ces sites-là. Mais au niveau des voyages à longue distance et des voyages de peuplement, ce qu'on imagine, c'est que les îles ont été découvertes dans un premier temps par des petits groupes de navigateurs qui ont fait des allers-retours et ces îles ont été peuplées intentionnellement. Et massivement, oui. Et massivement, avec, il a fallu des communautés très importantes et aussi transporter avec eux les ressources nécessaires. Alors les auditeurs ne le savent peut-être pas, mais bien sûr, c'est le catamaran, le bateau à balancier, qui est une vraie technologie qui appartient à ce monde pacifique. Et puis, c'est aussi des cartes. Ils posséderaient des cartes. Oui, alors on en dehors de la Polynésie, on connaît, récemment encore, les gens dans la région qu'on appelle Micronésie, donc ces petits atolls du nord-ouest du Pacifique. On a des gens qui font encore aujourd'hui ce qu'on appelle les stick charts, donc c'est des cartes faites avec des bâtons, des coquillages, etc., pour indiquer les courants, la houle qui indique la proximité d'une île, etc. Et les gens savent s'orienter dans l'espace et savent aussi le transcrire soit dans des dessins sur le sable, etc. Il y a une thèse qui s'est faite par un collègue qui est décédé maintenant, Jean-Claude Teriroiterei à Tahiti, qui a fait sa thèse sur les chemins d'étoiles, donc à partir des traditions orales qui ont été transmises jusqu'à l'époque moderne à Tahiti. Et puis, bien sûr, vous m'avez parlé d'Hawaï, de la Nouvelle-Zélande, l'île de Pâques, mais qu'en est-il du continent américain? On avait vu cette vieille poule, ce gallinacé qui avait été trouvé donc du côté américain, qui avait été plus ou moins remis en doute. Mais je sais qu'aujourd'hui, on a d'autres informations. Alors, l'élément principal pour affirmer que les populations polynésiennes ont touché le continent américain, c'est qu'ils en ont ramené la patate douce. Ipomea batatas, et ils en ont d'ailleurs gardé le nom. En quechua, le nom pour cette espèce, c'est kumal ou kumar, et dans le Pacifique, en Polynésie, à Hawaï, dans les îles de la Société, aux îles Cook et en Nouvelle-Zélande, et à l'île de Pâques, évidemment, le terme c'est kumara ou umara. Pour décrire ces migrations, un mot me paraît particulièrement bien choisi. Ce qu'ont les Polynésiens, c'est un paysage transporté. Oui, l'ensemble des Océaniens. Alors ça, c'est une expression qui a été créée par Edgar Anderson. C'est un botaniste américain qui a inventé un peu cette expression dans les années 50 pour montrer à quel point, en fait, les environnements du Pacifique, c'est une expression qui a été reprise depuis, notamment par un collègue, Patrick Kirsch, un grand archéologue du Pacifique, qui a popularisé cette expression pour montrer à quel point les environnements insulaires du Pacifique, en fait, ils sont extrêmement anthropisés. Toutes les espèces utiles, ou quasiment la totalité des espèces utiles, qu'elles soient végétales ou animales, présentes aujourd'hui sur ces îles, elles ont été transportées par les hommes. Et le cocotier ? Alors, le cocotier, c'est l'une des espèces très utiles qui est utilisée pour plein de choses, qui est notamment, il y a des espèces indigènes de cocotiers, mais un certain nombre... En tout cas, le cochon et la poule. Le cochon, la poule et les chiens. Et accidentellement aussi des espèces de rats. Le rat, oui, bien sûr. Le rat est un très bon marqueur donc pour voir la conquête des hommes en archéologie. En général, il suit tout à fait très précisément l'homme, c'est ça ? Et oui, bien sûr. C'est une espèce qui va consommer les ressources transportées dans ces grandes pirogues. Les gens partaient avec des vivres et forcément les rats se sont introduits dans les pirogues et ont été transportés un petit peu accidentellement. Mais ça permet également de tracer les migrations. Alors il y a aussi un autre très bon marqueur qui est une sorte de petit coquillage qui aurait été transporté dans les plans de plantes, dans la terre. Je peux même citer son nom, Alopeas gracile, c'est ça ? Oui, alors il y a eu à ma connaissance, assez peu de travaux sur l'utilisation des coquillages terrestres notamment, qui sont utilisés comme proxy pour retracer les migrations. Mais oui, ça fait partie des éléments qu'on a. Et effectivement, en dehors des vestiges matériels et des restes humains, sur lesquels évidemment aujourd'hui on fait de la génétique, et des analyses isotopiques pour essayer d'identifier un petit peu les mouvements de population. Mais effectivement, les écofacts, les choses que les gens ont transportées peuvent servir effectivement de proxy. Oui. Et Mike Herman, dans quel contexte social se trouvent les sociétés polynésiennes à l'arrivée des premiers bateaux européens ? Celui de, par exemple, de Wallis, qui est arrivé à Tahiti le 19 juin 1767, semble-t-il. Alors, lorsque les Européens arrivent dans les îles polynésiennes, les Polynésiens ne voyagent beaucoup moins qu'ils ont pu le faire deux millénaires avant ou un millénaire avant. Et donc on se retrouve avec les Européens décrivent des sociétés qui sont assez implantées sur des territoires très circonscrits et puis qui sont parfois assez souvent en conflit les uns avec les autres, notamment parce qu'on a affaire aussi à des îles qui sont de plus en plus petites à mesure qu'on va vers l'est du Pacifique, hein, donc avec des populations très très importantes. Alors on a une chute démographique gigantesque après le contact avec les Européens, parce que à cause des maladies et pour différentes raisons. Mais effectivement, on a une pression démographique très importante sur ces îles et voilà, il y a beaucoup de conflits. Il y a aussi des stress climatiques. Et exactement. Alors, ce qu'on appelle le petit âge glaciaire vers le 16e, 17e siècle a produit dans certains archipels, notamment aux Marquises, des grandes périodes de sécheresse. Donc, ce sont des territoires qui, sur lesquels, pour pouvoir se sustenter, pour pouvoir alimenter des populations importantes, il a fallu déployer des moyens extraordinaires. Et c'est notamment le cas à Hawaï, où on a des îles ou des moitiés d'îles qui sont très très sèches et où on a des systèmes d'irrigation qui ont été mis en lumière par les travaux de nos collègues américains qui sont extraordinaires, quoi. Les anthropologues aiment toujours classer les sociétés, mais là nous sommes devant quoi ? Des chefferies ? Des chefferies simples, des chefferies complexes ? Alors, dans le Pacifique en général, on a tendance à dire que les chefferies, les Polynésiens, voilà, sont les sociétés polynésiennes sont des sociétés très hiérarchisées, ce sont des chefferies, etc. Il y a aussi des chefferies en dehors de la Polynésie, hein, dans le monde océanien en général. Et voilà, on a affaire à des sociétés qui sont plus ou moins hiérarchisées, effectivement. Et on a tout un éventail, en fait, de systèmes politiques. Et au sein même de la Polynésie, alors on a des, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a des institutions particulières, et notamment un statut de chef, qui est un terme un petit peu galvaudé parfois, mais en Polynésie, il a vraiment il y a un terme local qui est ariki, qui est une forme qu'on peut reconstruire au proto-polynésien. Donc c'est un terme qui a une histoire très longue. Mais cette réalité-là, elle peut recouvrir différentes choses. Ça peut être un petit chef de village, et ça peut être un grand chef qui a sous son pouvoir tout un territoire insulaire ou même plusieurs îles. Vincent Charpentier. Aymeric Herman, votre dernière recherche est dans les pas de Malinowski, qui travailla sur les échanges et créa ainsi l'anthropologie économique. Votre point de départ, l'étude archéométrique des objets qui sont échangés sur de très longues distances. Oui, alors effectivement, moi, je travaille plus spécifiquement sur la culture matérielle et notamment sur les outils en pierre. Et l'un des éléments intéressants sur ces outils en pierre, c'est que on peut regarder leur composition chimique. Ce sont les roches présentes dans le triangle polynésien sont essentiellement des basaltes qui portent en fait dans leur signature géochimique des informations très très précises sur leur provenance en fait. Donc on peut utiliser ces signatures géochimiques pour retracer le transport des objets ou des matériaux par les hommes, et comme ça on peut retrouver la provenance géologique donc des roches. Et parmi ces objets, l'un est réellement capital dans la culture polynésienne, l'herminette, qui est une sorte de hache qui sert à travailler le bois. Oui, exactement. Alors l'herminette, c'est vraiment l'outil phare de l'Océanie en général, depuis la Papouasie-Nouvelle-Guinée jusqu'à l'île de Pâques. Et donc effectivement, c'est une lame, alors en pierre, qui est emmanchée avec le tranchant de manière transversale par rapport à l'axe du manche, là où la hache le tranchant est dans le même axe que le manche. Et ça, c'est un outil voilà qu'on retrouve un petit peu partout. Et chez les Polynésiens, mais pas seulement, on a aussi le cas notamment en Nouvelle-Calédonie. Ces outils-là, ils ont pu être utilisés au quotidien pour fabriquer des pirogues, des maisons, tout ce qui est travaux de charpenterie et autres. Mais ce sont aussi des objets qui ont pu être utilisés comme des marqueurs sociaux, des éléments de prestige, parce qu'ils ont été fabriqués par des artisans très spécialisés, et parce qu'ils sont faits dans certaines roches, et parce qu'ils sont possédés par des individus qui ont des statuts très... Parce qu'ils rentrent dans des rituels, surtout. Et effectivement, donc ces herminettes cérémonielles qu'on retrouve beaucoup en Polynésie, elles sont conservées dans la maison du chef. Elles sont entreposées, elles peuvent être déposées sur les sites cérémoniels qu'on appelle marae, et elles sont en fait porteuses dans l'esprit des Polynésiens de mana. Ce concept de mana qui est le un petit peu le tabou, le mana, c'est les deux éléments clés peut-être du vocabulaire polynésien pour nous. Oui, voilà, ça fait partie des concepts clés qui permettent de comprendre un petit peu le fonctionnement des sociétés polynésiennes. Dans l'esprit des Polynésiens, la place d'un individu dans la société, elle est liée à sa proximité généalogique aux ancêtres communs. Et ceux qui en sont le plus proches, ceux qui sont les descendants les plus proches des ancêtres divinisés, ce sont ceux qui se retrouvent avec des statuts, les élites politiques. Et ils ont ce statut-là parce que ils ont, entre guillemets, une quantité de mana plus importante par rapport aux gens du commun. C'est donc une sorte d'efficacité, d'énergie vitale, c'est ça ? Qui peut être tabou, d'ailleurs, justement. Et oui, donc le tabou, c'est le sacré, en réalité. Donc c'est le sacré dans le sens interdit, puisque tout ce qui est porteur d'une grande quantité de mana est tabou. Et le mana, effectivement, ça fait partie, par contre, des termes qu'on a du mal à traduire, en fait. Il y a de nombreux travaux là-dessus. Et donc, moi, j'aime bien appeler ça l'efficacité, parce que on attend du chef qu'il soit garant de l'abondance en termes de récolte de nourriture, en termes de réussir un certain nombre de choses au niveau de la société. Des carrières sont connues de taille d'herminette, de cette carrière de basalte. D'ailleurs, est-ce qu'on est sur des productions, je dirais, standardisées, nécessitant par exemple des artisans spécialisés, peut-être même à temps plein, pourquoi pas ? Oui, effectivement. Alors, en Polynésie, on connaît essentiellement en fait des objets standardisés parce que c'est ça qui a été récolté en premier lieu par les ethnologues, d'abord par les missionnaires. Et donc, c'est ce qui constitue en fait les collections des musées. On a de fait, quand on regarde des sites domestiques, quand on fouille des sites de maisons de gens du commun entre guillemets, on a des toutes petites herminettes faites par des non spécialistes. Mais de fait, les carrières, surtout les carrières où on exploite des roches de qualité qui sont pas présentes partout, elles ont été occupées par des ateliers plus ou moins permanents où on travaillait des artisans spécialistes. Et je travaille aussi du point de vue de la technologie lithique à essayer de mettre en évidence ces spécialisations techniques. De telles carrières, il en existe aux Marquises, je sais. Dans les îles Marquises, on a une île en particulier qui est inhabitée aujourd'hui, qui s'appelle Eyao, dans le nord de l'archipel, où on a des ateliers de taille un petit peu sur toute la surface de l'île, en fait. Et ce sont notamment les herminettes produites sur cette île que l'on retrouve dans les quatre coins de la Polynésie française et au-delà jusqu'aux îles Cook. Sur des distances de plus de 2000 km, on retrouve ces herminettes qui ont été échangées à des époques relativement anciennes, au moins jusqu'au 15e, 16e siècle. Vous avez élargi votre champ d'investigation aussi à l'ouest de la Polynésie et vous avez d'ailleurs publié récemment un article dans Science Advance. Que met-il en lumière ? Alors oui, on n'a pas évoqué ça, mais c'est vrai que les Polynésiens, ils sont pas seulement dans le triangle polynésien. En fait, les Polynésiens, ils se sont baladés d'un bout à l'autre du Pacifique. On a parlé des contacts, enfin des allers-retours avec l'Amérique du Sud. Et puis, il y a aussi des Polynésiens qui se sont installés dans une vingtaine d'îles au moins dans l'ouest du Pacifique. Et donc, il y a quelques années, j'ai commencé un programme de recherche dans le centre du Vanuatu avec mes collègues du Vanuatu Cultural Center et un collègue de l'Université nationale d'Australie. Et en fait, dans ces îles-là, on retrouve aussi des outils en pierre qui viennent du même berceau culturel que celui qu'on a évoqué pour les Polynésiens de l'Est. Et donc là, on parle de Polynesian Outliers, donc les Polynésiens de l'extérieur du triangle, en fait. Et ce qu'on a pu identifier, c'était notamment un certain nombre d'herminettes qui viennent toutes de la même carrière, qui est un site extrêmement important, qui avait été fortifié à une époque plus récente, contrôlé par des chefferies importantes aux Samoa, donc dans l'est de l'archipel des Samoa. Et par ailleurs, on a identifié aussi un certain nombre d'objets qui ont voyagé entre ces îles de l'ouest du Pacifique. Sur des distances considérables, 2500 km, c'est ça ? Et oui, sur des très très longues distances. Et ce que on peut dire, c'est que les Polynésiens, au cours du dernier millénaire, ont probablement servi aussi de vecteur dans la distribution de ces objets, mais pas seulement, c'est de pratiques techniques, etc., dans l'ouest du Pacifique. Dans ce système économique non marchand, ces échanges intercommunautaires d'objets sont une des clés de voûte du pouvoir et des élites. Les élites les incorporent, les contrôlent les flux, puis ensuite les redistribuent, c'est bien ça ? Alors oui, en réalité, les modèles anthropologiques, de l'anthropologie économique dans le Pacifique a toujours considéré que les systèmes politiques polynésiens, ils n'étaient pas fondés sur une économie politique, donc sur des échanges importants, etc., mais plus sur le contrôle de la production, notamment de la nourriture. Donc des économies très très centralisées sur l'île où la population vit. Mais ce que les études archéologiques nous montrent, c'est que ça n'a pas toujours été le cas en fait. Et que, notamment dans l'est de la Polynésie, mais pas seulement, puisque on a aussi des mouvements de population entre archipels dans l'ouest de la Polynésie et en dehors du triangle, c'est qu'à une époque plus ancienne, on avait des alliances entre des chefferies parfois très éloignées. Donc, si je comprends bien, avant le 15e siècle, les réseaux à longue distance sont en place, bien sûr gérés par un système de chefferie. Et puis, après le 15e siècle, les élites baseront l'affirmation de leur différenciation du champ social sur d'autres systèmes moins intercommunautaires, plus insulaires, c'est ça ? Alors oui, les sociétés polynésiennes, notamment à l'est de la Polynésie, elles sont très organisées et très spécialisées. Et en fait, le chef se retrouve comme une sorte de manager qui va embaucher en fait des spécialistes, notamment de la taille de la pierre, mais aussi des spécialistes de la pêche, des spécialistes de la construction des pirogues, etc., etc. Et il va faire ce que l'anthropologue américain Marshall Salins appelle l'inflexion du mode domestique de production. C'est-à-dire que le chef, il va aller prélever une partie de ce que les gens vont produire dans leur maisonnée pour alimenter l'économie de la chefferie en général. Peut-on parler d'un monde très connecté, avec des jeux d'alliances entre chefferies au travers d'objets investis ou extrêmement valorisés, les fameuses herminettes dont vous nous parliez ? Et oui, exactement. Alors les herminettes sont des éléments parmi d'autres, on a aussi des nattes tressées, des tapas, etc., qui peuvent être échangés, notamment lors des alliances entre chefferies et des échanges matrimoniaux. Aymeric Hermann, l'archéologie en Polynésie est à la croisée de plusieurs mondes disciplinaires, et en cela, il se rapproche même de ce que les Américains appellent l'anthropologie culturelle. C'est ce que vous faites ? Vous n'êtes pas que archéologue ? Alors, je suis essentiellement archéologue, mais c'est vrai que dans le Pacifique, on ne peut pas ignorer d'autres sources d'informations. Les ethnographies sont extrêmement riches, elles nous apprennent des choses très très très précises sur le fonctionnement des sociétés depuis la période du contact. On a les données linguistiques qui nous permettent de reconstituer un petit peu les lexiques des sociétés plus anciennes. Donc c'est vrai qu'on est très influencé par cette anthropologie des quatre champs disciplinaires américaines qui aborde les phénomènes anciens avec une approche très très heuristique. On essaie d'inclure des données issues de l'ethnographie ou de l'ethnologie comparée, de la linguistique, de la culture matérielle, des vestiges humains et aujourd'hui, effectivement également des données issues des sciences de l'environnement notamment. Aymeric Hermann, merci beaucoup. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar et Alexandra Malka, à la technique Marie-Claire Oumabadi et bien sûr avec la collaboration de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de France Culture et l'application Radio France ou retrouver plus de 300 archives sur le site inara.fr.